Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Charlotte et c'est ma voix qui va venir chatouiller votre tympan. Vous écoutez Nice to Hear You, une conversation que j'anime un vendredi sur deux avec des artistes, créateurs, créatrices, entrepreneurs, entrepreneuses et autres humains, humaines sympas, au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder des sujets légers ou de société et mettre en lumière les idées et les projets des gens qui nous inspirent, le tout articulé autour d'une thématique unique qui se réinvente à chaque nouvelle émission. Définition 8. Gourmandise. Caractère, défaut du gourmand, mais appétissant, friandise. Pendant des mois, je me suis régalée sur leur page Instagram et fait du lèche-vitrine sur leur e-shop coloré. Alors quand l'envie de faire une émission savoureuse m'a démangé le palais, j'avais envie d'aborder le sujet avec le duo pétillant formé par Alice et Anaïs avec le Girls Pop. Sans surprise, cet entretien sur la gourmandise est un véritable délice pour les oreilles comme pour l'ego. Ça fait du bien d'entendre des femmes parler de la vie, de la bouffe et de l'entrepreneuriat avec autant d'appétit. Cette émission est comme un drôle de bonbon à se glisser sous la langue les jours de doute. Car n'oubliez jamais, l'abus de bienveillance est bon pour l'humanité. Avec Alice et Anaïs, on a parlé de gâteaux yaourt, de pétrole et de good karma. Très bonne écoute. Hello les girls! Comment ça va? Hello! Hello! Je suis hyper contente de vous recevoir, vous et votre happy mood légendaire au carré, pour ce 8ème épisode de Nice to Hear You. La thématique du jour va faire saliver les tympans de nos auditrices et auditeurs, car nous allons parler de gourmandise. Selon moi, vous êtes la preuve que la gourmandise n'est pas un vilain défaut, mais que surtout, croquer la vie à pleines dents est bien plus qu'un adage, mais réellement une philosophie de vie à répandre et partager. Je vous entends déjà tous baver d'impatience, mais avant de parler sucreries et autres tranches de vie, j'aimerais dresser vos portraits, Anaïs et Alice, pour que les goinfres qui nous écoutent puissent découvrir, si ce n'est pas déjà le cas, vos parcours. Après des années à ne jamais vous croiser, malgré des vies parallèles, l'une directrice artistique et l'autre assistante de production dans le cinéma, c'est autour d'un cupcake que le destin de Girls Pop s'est scellé. Votre première grande aventure en tant que binôme donne vie au très chouette livre Pop Ta Partie aux éditions Erol, que je recommande chaudement à tous les curieux et curieuses en quête d'inspiration colorée et déjantée. En 2016, si je ne me trompe pas, vous changez votre nom Alice sur le gâteau pour Girls Pop. Mais ce n'est pas tout. Vos esprits créatifs repoussent sans cesse les limites du Girls Power, et en plus de votre très cool blog et studio, vous lancez en 2017 un e-concept store où le Made in France est non seulement délirant, délicieux, décapant, mais surtout alléchant. J'aimerais clôturer cette introduction en vous posant la question habituelle d'ouverture de l'émission. Anaïs, Alice, quel genre d'humaine êtes-vous sur la planète ? Alors, c'est la question qu'on adore parce qu'on est des humaines super. Évidemment, of course. Non, on est des humaines, je dirais, ultra ouvertes sur l'extérieur. C'est quelque chose qui est hyper important. On dit toujours qu'on se nourrit. Donc voilà, la gourmandise, c'est bien ce qui nous correspond. Pour nous, c'est à la fois la nourriture dans l'échange avec les autres. Donc le regard, toujours vers l'extérieur, je dirais. Mmh. En tout cas, oui, c'est ce qui nous caractérise en duo, mais aussi individuellement. On va du coup faire un petit saut dans le temps pour essayer de cerner l'origine de votre attirance pour la happy food. J'aimerais savoir si vous êtes tombée individuellement dans votre plus jeune âge. À quel moment ça a commencé tout ça? Alors, ça a commencé très très tôt. En fait, ma mère aime bien raconter le fait que dès que je me levais, je lui demandais qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et du coup, ça a été vraiment une passion tout de suite, en fait, depuis petite. J'ai toujours aimé manger. C'était... Et peu importe ce que c'était, enfin, t'avais pas quelque chose en particulier, mais c'était salé, sucré. Ouais, tout m'allait. Tout me passionnait, quoi. J'adorais ça, la food. Bah, moi, j'ai la chance, en fait, d'avoir des parents et une maman hyper concernés par la nourriture, de manière générale. Et déjà, à l'époque, de savoir d'où provenaient, en fait, les aliments. Ouais. Donc, beaucoup le marché. Ça a déjà commencé dans les étals du marché. On cuisine beaucoup chez moi. Toute ma famille vient du sud, autour de Marseille. Donc il y a une tradition un peu familiale comme ça, où on a toujours fait des grands repas qu'on préparait avec ma grand-mère. Donc j'ai hérité en fait de cette culture-là, du fait de venir mettre les doigts dans la marmite partout, tout le temps. C'est un peu d'ailleurs un peu comme Alice qui demandait dès le pied est posé, qu'est-ce qu'on mange ce soir, ben, moi c'était un peu la trace de doigt dans les plats d'Anaïs. Donc irrémédiablement, on faisait une galette des rois, je soulevais la pâte feuilletée pour venir racler toute la frangipane à l'intérieur que ma mère apportait aux invités vide. Et voilà, ça, ou alors l'énorme cuillère d'harissa que j'ai pris un jour pour de la sauce tomate et que je me suis enfilée à 5 ans, j'en garde un souvenir puissant, de hurlements et de pleurs. Mais oui, en fait, enfin, et même donc à l'origine, chacune, on était passionnée, je pense, habitée par la nourriture, comme d'autres enfants peuvent être habités par je sais pas, par le dessin, l'expression corporelle. Enfin, il y a quelque chose de très naturel. Et en fait, je pense que ça nous a jamais quittés. Et c'est ça aussi, être vers l'extérieur. Est-ce que les moments de repas dans vos familles, c'était des moments privilégiés aussi, où vous avez réussi à développer une créativité? Je sais pas, vous racontiez vos journées ou... Moi, c'était pas tant les repas en famille qui me marquent, c'est plutôt en food, c'est plutôt avec ma sœur quand on faisait des gâteaux yaourt et on mangeait que la pâte, tu vois. C'est vraiment ça. Nous, c'était le repas, c'était un moment hyper important avec mes parents, parce qu'avec mes grands-parents, il y avait le choc des générations, donc les enfants à table, c'est toujours un peu délicat, mais avec mes parents, c'était un véritable espace d'échange. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation où on parle à l'enfant, mais comme un être humain, comme un être humain adapté à son âge, mais on échange. Et puis même avec, donc j'ai un petit frère qui est cuisinier, donc voilà, l'histoire continue, et on échangeait beaucoup, donc on échangeait comme tous les Français sur ce qu'on est en train de manger, sur ce que probablement on mangera demain, mais aussi on parlait de politique, on parlait de culture, et puis on échangeait beaucoup nos points de vue. J'avais tendance à monopoliser pas mal la parole aussi, mais c'est normal, c'est parce que j'étais la première. Il m'est difficile de parler de gourmandise sans parler de la fameuse et ô combien célèbre Madeleine de Proust. Alors, pour les personnes qui ne seraient pas familières avec cette référence littéraire, la Madeleine de Proust s'incarne dans un objet, une odeur ou un geste qui replonge une personne dans son enfance, comme les odeurs des Madeleines le faisaient pour notre très cher Proust. Est-ce que vous en avez, vous, des Madeleines de Proust ? Des madeleines de Proust, oui, plein, des tonnes. Des madeleines de Proust plutôt culinaires, c'est oui, ça? Ouais. Oui, alors là, du coup, c'est un peu ce que j'avais commencé à raconter. Y a la madeleine de Proust, du coup, des repas en famille. Moi, ce sera la soupe au pistou. Voilà, qui va tout écraser sur son passage et qui restera, je pense, à jamais de la préparation, au repas. C'est le truc qui m'anime, et je pense que ça fait partie même de la transmission familiale. Donc, moi, je dirais que ce serait un plat qui est très tradit, c'est les spaghettis bolognaise. Okay. En fait, pendant une semaine, j'en ai demandé tous les jours, midi et soir. C'était addictif, ça a été ça, vraiment, je pense, ma madeleine de Proust. C'est la comfort food par excellence. J'avais une madeleine de Proust, c'était les crumbles de ma mère. Ah, ou les cookies qu'elle faisait, mais qui en fait n'étaient pas comme les cookies des mamans de mes copines, parce que ma mère aussi était très orientée bio et compagnie. Et en fait, je sais pas comment elle faisait, mais en fait, ça finissait comme de la pierre. Donc en fait, je goûtais, c'est limite si je me laissais une dent dessus, mais c'était très bon. Mais c'est un truc où je me rappellerai toujours manger ça au goûter, et mes copines, quand j'avais des cookies avec moi, je voulais leur partager. C'était « Non mais tes cookies, en fait, ils sont trop durs. » Tu sais, mais vous comprenez rien. Vous êtes insensible à ça. Ah, moi, j'en ai une qui est pas mal. Une madeleine de Proust qui est un petit peu à l'inverse. Pendant très longtemps, j'ai été au régime. J'ai toujours... depuis l'âge de 3 ans, en fait. Parce que j'ai toujours eu des problèmes de poids. Et du coup, c'était même un point qui était terrible pour ma mère, parce que tout le monde aimait tellement la food, mais moi, c'était genre sans fin, quoi. Il n'y avait pas de limite, c'était un peu l'enfant terrible. Et du coup, au goûter, j'avais tous mes copains d'école, mais tous avaient des gâteaux avec, je sais pas, genre des packaging de ouf, du Nutella et tout ça, machin, des viennoiseries. Et moi, j'avais pas le droit parce que j'étais tout le temps au régime. Et du coup, c'était un morceau de pain avec une barre de chocolat. Et c'était la frustration. frustration ultime. Je détestais ça. Du coup, j'essayais tout le temps d'échanger mon pain avec ma barre contre un petit gâteau un peu plus cool et tout. Et en fait, aujourd'hui, le fait de couper une baguette et de mettre juste une barre de chocolat, ça me procure un plaisir énorme. Et du coup, c'est devenu en fait une... Moi, je me rappelle que je prenais toujours 2 goûters pour la récré parce que je me faisais toujours prendre un sur les 2. Et du coup, j'étais sûre d'avoir le deuxième. Aujourd'hui, la définition de la gourmandise se renouvelle en se détachant de sa description chrétienne. C'est pas trop tôt. L'idée étant de lui redonner ses couverts de noblesse en la nuançant avec la gloutonnerie. La gloutonnerie se retrouverait alors du côté de la quantité quand la gourmandise brandirait fièrement l'étendard de la qualité. Dans vos dictionnaires personnels du savoureux, quelle serait votre définition de la gourmandise ? Pour moi, être gourmand, c'est avant tout être assoiffé par la vie et être presque boulimique de tout ce qu'on te donne. Et pour moi, chaque élément, tu dois t'en nourrir et c'est ce qui fait que tu avances en fait. Ouais, je dirais que c'est ça. En fait, la gourmandise, c'est un peu... on a un peu la même définition avec Alice. C'est un peu la gourmandise de l'expérience. La gourmandise, elle se fait autour d'une table, le fait de bien manger. C'est aussi bien communiquer, en tout cas pour nous. Par exemple, on adore 100 fois recevoir chez nous. On adore préparer à manger ou alors aller chercher à l'épicerie. Enfin, voilà, c'est... Tout le processus, en fait. C'est ça. Et du coup, la gourmandise, c'est la gourmandise aussi des yeux. C'est... La gourmandise, c'est le plaisir, c'est voilà, c'est un peu voilà, enfin, je sais pas, on se pose pas que sur le palais, en fait, c'est multisensoriel. C'est ça. Okay. C'est un peu comme faire l'amour en fait. Okay, on se pose tout le temps la question de savoir si on préfère manger ou on préfère faire l'amour. Bah, on est un petit peu sur un pied d'égalité. Okay. C'est un plaisir, oui, qui est charnel et qui nourrit et qui même transporte ailleurs. C'est exactement ça. Et je pense qu'il faut se déculpabiliser, en fait, justement, du fait de soit trop manger ou... Parce que la gourmandise, c'est avant tout quelque chose de bon, en fait. Ouais, c'est un plaisir. Et en fait, c'est aussi vivre son plaisir instantané, le prendre comme il vient et en retirer une expérience, peu importe. La formule, peu importe, voilà, c'est ça, la gourmandise. Quand on est une femme, avoir sa part du gâteau n'est pas toujours facile, et ce, tout milieu confondu, scientifique, artiste, économiste, enseignante, créative, politique, bref. On s'est toutes cognées un jour ou l'autre au plafond de verre. Comment chacune d'entre vous, individuellement et puis ensuite avec votre team, a réussi à jouer des coudes pour se faire sa place en tant qu'entrepreneuse ? Alors, prendre sa part du gâteau, pour moi, c'est exister, en fait. C'est prendre le pouvoir sur soi. À l'origine, déjà, le blog s'appelait Alice sur le gâteau. Donc, inconsciemment, c'était plus que prendre ma part du gâteau, quoi. C'était carrément m'asseoir dessus. Parce qu'en fait, moi, je viens d'une famille de femmes. Ma sœur, ma mère, ma grand-mère, mes cousines. Très féminines, mais pas vraiment féministes. On pouvait se réaliser que sous la protection d'un homme, en fait. Il fallait que je coupe ce schéma, je voulais dévorer la vie, quoi, croquer la pomme. Et donc, créer le blog et mon activité autour, c'était pas évident. On me posait tout le temps la question, mais quand est-ce que tu vas reprendre un vrai travail? La fameuse question. Voilà. Le CDI, oui. Bah oui, parce que faire des projets chouettes, gays et tout, c'est pas comme quelqu'un qui monte une entreprise d'analyse financière, tu vois. Mmh. On te prend pas vraiment au sérieux, on n'a pas la mallette qui claque. Donc j'ai créé un univers qui ressemble à la manière dont j'avais envie d'appréhender le monde. Je suis convaincue par le cercle vertueux que si tu fais du bien, bah, ça prolifère, ça revient et c'est fertile, un peu comme un engrais, quoi. Et puis de l'extérieur, tu as le droit au terme condescendant de monde de bisounours, complètement perché, en dehors des réalités. Mais la réalité, c'est quoi en fait? C'est crédible quand on doit avoir la dureté. Et moi, j'ai pas choisi ce camp-là. Et donc, bah voilà, j'ai pris ma part du gâteau, quoi. Je me suis battue pour que ma parole soit prise au sérieux. Mais à la fois, rien n'est vraiment linéaire. J'avais aussi ma mère qui me disait que tout ce que je faisais, c'était génial. Et c'est comme si elle m'encourageait à vivre ce que je ne m'autorisais pas. Parce qu'elle était déjà dans un moule, tu construis un peu ta prison dorée, quoi. tu as un mari que tu subis parfois. Et voilà, tu restes parce que c'est tes codes à toi. Voilà, et en fait, il y a eu deux maisons d'édition qui sont quand même venues me voir pour faire des livres. Donc, c'était pas rien. Et c'est là où j'ai rencontré Anaïs. Donc, elle vient d'une famille où on dit que homme, femme, anyway, tu peux tout faire. Tu peux changer une roue, conduire un 30 mètres cubes. Rien à foutre. Rien à foutre. Et du coup, t'as rendu mon univers crédible. Donc, elle venait du milieu du cinéma. C'est un milieu hardcore, on peut dire. Et je lui ai donné confiance en l'autre. Depuis, on poursuit le combat ensemble. Et on sait que la richesse est dans l'échange. Yes. Et en plus de ça, j'ai eu le culot de quitter l'homme avec qui j'avais passé 7 ans. On me demandait de me justifier. Mais t'es sûre? Mais il est tellement sécurisant, protecteur. Il t'aide dès que tu as besoin. Ça a été mon deuxième combat, prouver que je pouvais m'en sortir d'une manière indépendante, que je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie pour m'en sortir. Donc j'ai voulu m'affranchir des codes que je m'étais imposés. J'ai fait ma révolution dans le good mood et la bienveillance, en mode Gandhi. Avoir pris sa part du gâteau, c'est ça pour moi. Et par l'humeur rose affirmée, par le choix de décider avec qui, homme, femme, vivons à deux, vivons à plusieurs, avec tout le monde, voilà, j'ai décidé d'exister. J'ai souhaité être indépendante dans mon job et dans ma vie, déconstruire ce que la société t'impose. Et on s'en tape un peu des modèles prédéfinis. Il n'y a pas une manière de vivre, d'évoluer dans ce monde. Il y en a plein, il y en a un milliard. Donc je pense qu'il faut avant tout ressentir que ça vient de l'intérieur et tout arrive. Tout arrive. En fait, avant d'être entrepreneuse, c'est plutôt être femme et s'assumer en tant que telle. Mmh. Parce qu'en fait, entrepreneuse, je pense qu'aujourd'hui, ça peut revêtir plein de formes. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que on n'est pas... être entrepreneuse, ça ne veut pas forcément être libre financièrement. Il y a des tonnes d'entrepreneuses qui sont encore des salariés ou qui ont des jobs alimentaires. Et l'essentiel, en fait, c'est d'impulser la démarche. En fait, il y a une vraie... jouer des coudes, c'est vis-à-vis, en fait, de la société. Dans laquelle on est. Dans laquelle on est, exactement. Et il y a cette dimension, en fait, un peu, patriarcale. Où on nous explique gentiment que quand t'es un mec c'est facile d'ouvrir une société, mais quand c'est une femme t'es plus à prouver déjà quelque chose. On te dit tout de suite, mais attends, vous allez prendre une société, mais si vous voulez un congé maternité, comment vous allez faire? Voilà, en fait, on a 20 ans, donc je te propose qu'on réfléchisse au congé maternité. C'est ça, 2-3 choses à faire avant de penser même à avoir un enfant. Et puis peut-être que même on ne veut pas d'enfant, en fait. Peut-être que cette question se posera pas. Donc, on a eu des parcours professionnels, donc Alice en direction artistique, moi en production, et c'était pas facile en fait de faire entendre sa voix ou sa position, parce que ça on l'a même découvert nous après avec le studio, mais les hommes ont tendance, pas tous évidemment, on va pas faire de généralité, mais juste on n'a pas la même manière d'envisager le business. On n'a pas la même manière de présenter les choses, et il y a souvent une étape de très démonstrative. Et du coup, il faut, en plus d'être jeune, parce que c'est quand même le cas de plein d'entrepreneuses aujourd'hui, en plus d'être très jeune, donc qu'on nous dise elles sont mignonnes, elles collent des paillettes, elles sont hyper girly, voilà. Et c'est ça aussi, ça a été ça aussi, de taper un coup de pied dedans, c'est-à-dire qu'on met du rose, on fait du pop, mais justement, c'est pour montrer que tu peux être dans le... Tu peux être dans l'action et tu peux avoir une vraie démarche et des vrais propos. Voilà, exactement. Et en fait, Sophie Fontanelle avait dit quelque chose de très juste en interview un jour. Elle disait « Je déteste le mot « girly ». Et on était là « Mais oui, en fait, parce que tout le monde nous associe à un univers girly. Ouais. » Et à partir du moment où on entreprend n'importe quelle action, mais que ce soit... Mais même, je pense, une femme, on lui dit « Elle fait de la couture, bah oui, c'est génial, c'est un peu girly, machin. Mmh. Elle va faire du jardinage, ah bah oui, évidemment, c'est quelque chose... C'est ça, c'est pour faire des petites fleurs. Ou même si elle fait de la soudure, on lui dit, oui, mais bon, aujourd'hui, avec les matériaux... Enfin, il y a toujours cette association, et on est obligé un petit peu de se défendre. Donc, ouais. Avant même d'avoir entrepris quelque chose, il faut déjà arriver en disant, les gars, on pèse grave, ouais. Et en fait, on peut y arriver avec nos propres références visuelles et nos propres valeurs. Et ça, c'est assez réjouissant aujourd'hui de pouvoir le faire, mais il y a peut-être 10 ans, c'était moins évident. Et notamment, par exemple, quand on choisit nos études, pour pas mal de filles, bah, il y avait quand même une orientation un peu sexuée. Clairement. Enfin, genrée, où on dit, où on te dit, bah, t'es une nana. Enfin, moi, j'ai eu une conseillère d'orientation qui m'a dit, bah, allez, tu sais pas quoi faire, t'es un peu, voilà, non, mais t'es un peu gentille, t'as le contact facile, secrétaire, bonne idée, tu vois. Donc, pour nous, voilà, mettre du rose, mettre du pop, c'est presque une forme de militantisme, en fait. Ouais, carrément. Mais c'est un militantisme qui s'exprime à votre manière, qui est beau et qu'il faut respecter aussi, et que je trouve justement hyper chouette, parce que au-delà d'être un peu moralisateur, enfin c'est pas moralisateur justement, c'est que c'est un souffle de la vie et c'est une autre façon en fait de lutter qui fait du bien, c'est de la positive attitude. C'est ça. C'est comme ça que je vois ce que votre travail. Génial. C'est carrément ça. C'est génial. On veut enlever les étiquettes, on veut enlever les cases et permettre à tout le monde d'être et plus libre. Puis se sentir et libre. Ouais, c'est ça. Voilà. S'assumer, se sentir libre. Et effectivement, nous, bah, on adore le rose, on adore la culture pop, on adore le food porn. On adore le food porn, et surtout, en fait, on se dit que bah, la vie, le quotidien, il est déjà bien difficile. Ouais. Donc, en fait, si on peut le faire de manière positive, en se répétant bah, des mantras un peu power comme ça, et en se disant qu'on peut y arriver, bah, c'est plus porteur que de dire, bah oui, il y a des difficultés, peut-être de partager des doutes, ou se dire qu'on est écrasé par le poids de la société. Oui, bah, la société, elle est comme ça, mais en fait, chacune individuellement, on a des clés, qu'on soit consommatrice, qu'on soit entrepreneuse. En fait, c'est pour ça que pour moi, entrepreneuse, et même pour nous, j'ai envie de dire, entrepreneuse, c'est tous les jours, chacun à son niveau. Et c'est plus, en fait, des choix de vie et peut-être même, comment dire... On est acteur, en fait. Voilà, c'est ça. On est acteur de tout ça et c'est plus une valeur, voilà, à tout niveau. Tu décides de voir le positif et tu décides de mettre surtout le négatif de côté. Mais je pense que je me retrouve vachement dans ce que vous me dites, parce que c'est vrai que j'ai eu cette déconstruction aussi moi-même. Enfin, on parlait de conseillère d'orientation justement. C'est vrai que j'entendais aussi dans une interview de Pénélope Bajou qui disait qu'elle voulait faire de l'art. On me disait, oui, donc ça c'est dans la case autre, hein, du c'est coup, ça n'existe pas. Et j'ai subi aussi moi-même cette pression de rentabilité, où il fallait absolument avoir un travail, etc. Alors, moi, ma mère, elle était flippée. Alors, elle m'a toujours dit qu'il fallait que je me démerde toute seule. Mais du coup, elle m'a tellement dit qu'il fallait que je me démerde toute seule et qu'il fallait pas que je sois au chômage, que du coup, moi, cette déconstruction, elle s'est faite à un autre niveau. Et je me suis rapidement rendu compte qu'effectivement, la pression, quand t'es une femme, donc moi, je l'ai aussi subie en entreprise au départ, c'est terrible, parce que j'ai commencé très jeune à travailler, donc t'es une petite minette, enfin, j'ai pas un physique très imposant, donc on me prend déjà pas trop au sérieux. Et du coup, quand tu disais des trucs, les gens étaient là, Et du coup, il est où le vrai chef de projet? C'est moi, votre contact. Ah, d'accord. Non, je ne suis pas la stagiaire. Je suis vraiment là pour parler. Ah, mais j'étais contente un jour aussi de trouver des médias comme les vôtres. Je pense aussi à Girlboss et toutes ces nouveautés, enfin, toute cette nouvelle puissance en fait qui arrive là depuis quelques années, qui est colorée, joyeux. Ouais, il y a de la couleur, il y a des paillettes. Et du coup, je me suis dit, ah ok, c'est cool, parce que c'est pas que sombre. Enfin, et ça peut être autre chose. En fait, on est une drôle de génération. Voilà, je dirais qu'entre 20 et 30 ans, cette dizaine là un peu, on est une drôle de génération. On est une génération donc full chômage, où clairement en fait d'un coup on faisait des études et on se rendait compte qu'on allait faire des études pour une carrière qui durait pas toute la vie, donc ultra déstabilisant. On te disait non mais choisis ta direction, t'es là oui mais peut-être que dans 2 ans ça n'existera plus, donc comment on fait? Donc la pression de l'orientation, on avait une pression aussi sur le sexe, c'était la génération sida, donc en fait on vivait, enfin moi j'ai le souvenir d'une adolescence où complètement perdue, en train de dire à mes parents, mais dans quel monde vous m'avez foutu, quoi, les gars? Genre, on t'enfoiré. Non, mais c'est ça, genre, on peut pas baiser, on peut pas bosser, on doit quand même trouver une orientation, on doit trouver un job, s'assumer, mais en fait, la vie est beaucoup trop chère. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu la génération kamikaze, où on s'est dit à un moment donné, mais fuck quoi. Non mais fuck les mecs. Vous bossez derrière un bureau 15 heures par jour pour en fait faire un truc qui me plaît pas. Pour machin. Attendre tes vacances. Ouais. Pour attendre tes vacances ou compter les jours avant le week-end. C'est mort en fait. Quitte à pas gagner notre vie, autant le faire avec le plus de positive attitude possible. Ouais. Et ouais, en fait, c'est sans filet, on se jette parce que de toute façon, on nous parle de cotiser pour la retraite, pour le chômage. On n'est même pas sûr que ça existe. Donc en fait, il y a eu un peu cette période-là, et de se dire, bah franchement les gars, vous savez quoi, on va faire ce qui nous plaît et puis on verra bien après. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, bah tant mieux aussi, parce qu'on en aura retiré quelque chose. Ah, c'est beau ce que vous dites. Ça fait du bien d'entendre ça. On va revenir un petit peu à la nourriture. Le rapport à la nourriture est marqué dans notre société par une ambivalence forte. D'un côté, comme on le voyait plus tôt, la gourmandise est devenue une notion positive. La multiplication des médias culinaires spécialisés revendique une cuisine nouvelle, authentique ou multiculturelle. La bouffe fait quasiment partie de l'ADN de la France, et ce n'est pas la grande diversité des restaurants disponibles à chaque coin de rue qui dira le contraire. La nourriture est omniprésente dans nos vies et nos habitudes. Mais d'un autre côté, le fat-shaming, ou grossophobie, persiste. Les diktats en matière de régime se dorent la pilule chaque été en première page des magazines féminins, et la lutte contre les plats trop gras, trop sucrés, trop salés est devenue le fer de lance du ministère de la Santé. Comment peut-on, selon vous, concilier ou même réconcilier ces deux opposés? Alors, moi je pense que déjà ça passe par mieux se nourrir. J'ai toujours été un peu au régime pour entrer dans le corps parfait, dans un idéal, pour me sentir mieux. Et en fait, c'est vraiment une rencontre, encore une fois, qui m'a apporté le fait de me sentir mieux. C'est avec Angèle, de la guinguette d'Angèle. D'accord. En fait, elle explique que voilà, il y a une nourriture qui est, elle appelle ça bienfaisante. C'est avec du coup des power aliments. Donc maintenant, bah, à chaque fois que je mange, je regarde les apports nutritifs, parce que c'est vrai que c'est avant tout le pétrole de ton corps en fait. C'est plutôt la recherche du coup d'un équilibre entre les différents aliments. Oui, voilà. Quand tu parles de vertus, c'est les vertus nutritionnelles, des choses comme ça. Exactement. C'est ça. Et donc toute la thématique, sa philosophie. Ça passe par... il y a des recettes, des choses comme ça aussi que... Donc, t'as des recettes, mais c'est avant tout comprendre ce que tu manges et comment s'alimenter. Et vraiment, quand j'ai rencontré cette fille, ça a été une révélation, parce qu'elle est extraordinaire, elle a une énergie qui est superbe, et pour avoir un rapport beaucoup plus sain avec la nourriture, en fait. Ouais, je rejoins assez Alice sur cette dimension, en fait, de choix d'aliments. En fait, je crois que la réconciliation, par exemple, moi j'ai un parcours, c'est ce que je disais plus tôt, j'ai été au régime depuis l'âge de 3 ans, pas par culture du corps, mais simplement parce qu'en fait j'étais un enfant obèse et que c'était très très très grave. alors que je pense qu'aujourd'hui, a posteriori, certainement que le parcours aurait pas été le même. Donc je suis née en 88, année 90, on est quand même sur le culturisme, culture du corps. Machin, enfin il y a quand même une démarche qui revient aujourd'hui, mais sous différentes formes. Et surtout, il y avait effectivement, c'est ce que disait Alice, ce truc de rentrer dans les cases, c'est-à-dire que quand t'avais 3 ans, tu pouvais pas t'habiller en 6 ans, c'était pas possible. C'était pas, en tout cas pour ma mère, c'était pas possible. Et du coup, ça a créé en fait un rapport à la nourriture ultra conflictuel. Même si moi j'ai toujours aimé ça, c'était aussi beaucoup en cachette. Il fallait pas se montrer, il fallait pas montrer qu'on était gourmand, qu'on avait trop d'appétit, trop d'envie. Et alors qu'aujourd'hui, on cultive en fait ce truc-là. Donc il y a eu un peu ce passage genre food porn, complètement ouf, on en met partout, genre du gras, toujours plus de gras, de la couleur, toujours plus de couleurs, du large, du grand, du haut. Et puis, petit à petit, c'est aussi avec Alice, en fait, on a eu un parcours, en fait, on s'est rejoint, on se dit, bah, le too much, voilà, c'est cool, c'est fun, mais est-ce qu'au quotidien, c'est bien, c'est positif, en fait, pour nous? Et c'est passé aussi déjà sur le fait de ne manger que des goûts appréciables, de sélectionner son produit, peut-être pas manger, bah genre, enfin c'est des comment, c'est des lieux communs, mais ne serait-ce que de se dire, bah je vais pas manger de la viande à tous les repas parce que je préfère, je sais pas, aller voir par exemple le petit volailler, le mec qui va cultiver ses graines pour ensuite nourrir ses poules. Enfin, il y a une histoire, c'est des rencontres, donc ça, et le fait aussi de choisir des aliments pour me faire du bien. Et devenir entrepreneur, c'est aussi ça. C'est aussi prendre conscience que ton corps, c'est l'enveloppe qui va t'aider à avancer. Mmh. Et qu'il faut ménager cette enveloppe et il faut l'entretenir. Et se rendre compte que, bah, par exemple, se bourrer de sucre de 4h à 5h du mat, pour tenir le coup, en fait, ça te fatigue. Et qu'en fait, t'as plutôt intérêt à, par exemple, aller chercher de la vitamine C naturelle dans des aliments, peut-être réduire ton apport en protéines à certains moments. En fait, tu te rends compte que ton corps est un curseur infini pour le faire avancer. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, il restera toujours des moments comme ça de food complètement ouf, où j'ai envie d'un super bon fromage, d'une super bonne pâtisserie, machin. Mais après, au quotidien, le gérer différemment. Et du coup, ça amène vers des engagements. On aime quand même le porn food, mais on n'aime pas la junk food. Et ouais, c'est ça. C'est, la nuance est importante, ouais, effectivement. Ultra importante. Mm. Je pense que c'est difficile aussi de concilier ces deux ambivalences, dans le sens où on nous donne plein de signaux contradictoires. Ouais. Effectivement, il faut rentrer dans la case que la société, au moment où on est, enfin dans lequel on évolue, il faut avoir le corps que la société a décidé. Donc après, en fonction des années, des siècles, ça a évolué. Et en même temps, il faut être sain, et en même temps, il faut pas être relou, et en même temps... J'ai une mère qui s'est intéressée vachement tôt à tout ce qui était bio, etc. Donc en fait, je pense que rapidement, j'ai jamais eu de Nutella à la maison. Moi, c'était du muesli au goûter et des galettes de riz avec du beurre. Donc c'était vachement moins marrant. Donc on avait le droit de manger de la pizza quand mes copines venaient à la maison. Et du coup, moi, j'ai été beaucoup à l'encontre de ça quand j'ai été plus grande et que je pouvais aller acheter des trucs toute seule, ou quand j'ai eu mes premiers apparts, parce que c'était, non mais c'est mon pompon, les graines, général bol. Bon, aujourd'hui, je fais la même chose, donc je pense que là, il y a comme une espèce de trace qui est restée. C'est ça. Et c'est vrai que ce rapport au corps, moi, je l'ai aussi vachement senti, parce qu'à l'inverse, moi, j'étais toujours en dessous des courbes. Donc en fait, mais même adulte, on te fait vachement sentir qu'il y a toujours un truc qui va pas. Et un jour, j'ai compris que c'était pas important ce que les autres pensaient, mais ce qu'il fallait que j'arrive, c'était à me reconnecter avec moi-même. Et donc, pas avec la guinguette d'Angèle, mais je suis contente de découvrir ça, et j'espère que les auditeurs et auditrices vont s'intéresser à ça aussi. Mais avec, effectivement, lire d'autres livres pour essayer de comprendre ce qu'il fallait faire du bien de l'intérieur. Et que souvent, ce que j'aime dire, c'est que peu importe les régimes alimentaires qu'on adopte, parce qu'il y a encore plein, ça c'est un autre débat, mais plein de fausses idées sur le véganisme et le végétarisme, c'est qu'il faut s'intéresser à ce qu'on se met à l'intérieur, en fait. Exactement. Et que peu importe ce qu'on fait, il faut toujours des équilibres. Et que quand on est dans un régime traditionnel, eh ben manger trop de viande, c'est pas bon non plus. Quand on est à un régime vegan, manger rien du tout, c'est pas bon non plus. Donc voilà. Et en plus, on a la chance aujourd'hui, justement, d'avoir, via les réseaux sociaux, je trouve que, enfin, ça joue un rôle hyper important. On peut aussi, je trouve, mieux choisir le style de vie qu'on a envie d'adopter vis-à-vis de la nourriture. Tu choisis ton style de vie dans le pro et aussi du coup... Exactement, tu choisis en fait, ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, moi je suis pas pro-viande, j'aime bien la viande, mais du coup, ça me gêne pas de passer genre 4 semaines sans manger de viande et en faisant que des bowls vegan, machin, parce qu'en fait, j'y trouve une satisfaction. L'idée, c'est de garder du plaisir. Ouais. Et ça rejoint un peu notre philosophie de dire, c'est pas parce qu'on est éthique qu'on est forcément genre boring. C'est pas parce que on a un engagement, par exemple Made in France, qu'on est forcément couleur pastel ou voire lin. Voilà. Tu te nourris bien que tu dois pas manger des mac and cheese. Enfin, moment qu'il y a un bon fromage, et ça revient. Ça me fait penser à quelque chose. En fait, c'est vrai que quand on a le choix, aujourd'hui on a plein d'outils, c'est-à-dire que t'as la louve par exemple, voilà, qui te permet de manger des produits locaux, t'as la ruche aussi. Ouais. Il y a plein d'initiatives effectivement. Il y a beaucoup d'initiatives qui te permettent de mieux manger, mais tu peux aussi manger ce que tu veux en fait. Ouais. C'est ça, il y a un truc un peu... Je trouve quand même qu'on l'a en ce moment. On est un peu dans une ère, même s'il y a des ultra-dictats, même s'il y en a qui prennent à fond le sport, il y a quand même un esprit de bienveillance qui existait moins avant et qui est quand même positif. C'est-à-dire que, oui, bah, y aura toujours des gens qui disent qu'être vegan, c'est genre être extrême dans ses propos, etc. Qu'il faut faire vivre, par exemple, je sais pas moi, les éleveurs du coin. Enfin, voilà, chacun peut avoir ses opinions, mais quand même, il y a un esprit de bienveillance qui est assez générationnel. Et en fait, on peut avoir des choix et aussi, des fois, on peut prendre des décisions et revenir dessus. Mmh. Est-ce que ça marche, ça marche pas? Enfin, voilà, on a plein d'outils à dispo et c'est quand même ça le côté ultra positif. On peut aussi observer des modèles et pas forcément les copier à 100%, mais en retirer. Et en fait, on fait soi-même sa petite sauce, sa petite salade, et on met tout ça dans un shaker, et voilà. Et chacun peut créer, en fait, selon son individualité, quoi. En business comme à table, je trouve qu'il est parfois chouette d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Je le dis et je le répète, l'ambition certifiée sans OGM et avec empathie ajoutée ne doit plus faire rougir. Selon vous, quels sont les ingrédients indispensables pour réussir sa recette de business girl sans passer par la case régime? Alors. À destination, du coup, plutôt des personnes qui aimeraient se lancer et qui osent pas, notamment. Qu'est-ce que vous avez appris? Alors, ce qu'on a appris, c'est fais-le. En fait, on se pose des questions. Toute la journée, tout le temps, à chaque seconde, on se demande si, par exemple, là, ce qu'on est en train de dire, c'est pertinent. Est-ce que vraiment on va apporter une plus-value? Quand on a une audience, par exemple, sur les réseaux sociaux, on est encore plus confronté à ce type de questions et aussi au regard, à la réception du discours. Il y a plein de fois où, en fait, on s'est rendu compte que le discours qu'on avait n'était pas perceptible, n'était pas tangible. Donc, il fallait remodeler, refaire. En fait, je pense que simplement entreprendre, c'est ne pas avoir peur de se tromper et de faire des erreurs et de tomber. En fait, c'est juste se dire j'y vais, je me bande les yeux et j'y vais. Et peut-être que je vais rencontrer un mur et peut-être que pas. Et peut-être que ça va fonctionner, mais c'est s'affranchir simplement. Une initiative, c'est ce qui compte en fait. Une initiative et un peu step by step. Rome ne s'est pas fait en un jour. Merci papy. Mais c'est vraiment l'idée en fait. Au départ, quand on lance un projet, peu importe qu'on ait envie de faire un film, qu'on ait envie de lancer une web radio, qu'on ait envie de faire un blog, qu'on ait envie de créer une société dans l'informatique, enfin, quoi qu'il arrive, on ne peut pas tout mettre dans le même saladier. Mmh. Et en fait, c'est juste l'apprentissage de cette expérience qui est ultra enrichissante. Par exemple, nous, Pop Ta Party, c'est un peu ce qu'on s'était dit la première fois qu'on s'est rencontrés. Ça a été un peu notre brouillon de Girls Pop. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés avec Alice autour d'un projet, le fait de faire un livre. Elle faisait des sweet tables, ce qui n'existait pas au départ en France. Et on s'est dit, ok, voyons les choses en plus grand. Elle organisait des anniversaires pour ses copines, son mec, plein de... Voilà. Et c'était déjà dans son ADN, même familial, puisqu'il faisait des très grandes fêtes. Par exemple, chez moi, ça n'existait pas. Mmh. Mais des très grandes fêtes, genre thématiques. Ouais. Tout le monde se déguisait. Enfin, il y avait quand même un enthousiasme hyper fort. Et en fait, on a voulu tout mettre dans ce livre. La playlist, comment décorer. Et en fait, quand on le regarde aujourd'hui, on se dit, mais c'est indigeste. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, on a été jusqu'au bout du processus. On s'est donné, on a transpiré, on a pleuré, on est revenu en arrière, on a recommencé, on a défait pour mieux refaire. Mais ça a été la meilleure expérience. Parce qu'ensuite, en fait, petit à petit, on a construit une identité, on a construit un parcours. Et surtout, on a fait des rencontres de par ce livre qui sont aujourd'hui une des plus importantes de nos vies. Ouais, des rencontres décisives. Mmh. Et en fait, entreprendre, ça veut dire plein de choses. Mmh. Enfin, en tout cas, de notre point de vue, ça veut dire plein de choses. Et l'essentiel, quand on est au tout début, bah, c'est juste de commencer par une case, peu importe. Même si c'est, par exemple, écrire un article et ne rien faire pendant 6 mois et se dire au bout de 6 mois, putain, ça me taraude, j'ai envie de recommencer. Ouais. Bah, il faut juste prendre comme ça vient. On n'est pas tous égaux dans la manière de fonctionner. Enfin, c'est pas une question d'égalité d'ailleurs, c'est plus une question de se dire chacun est unique plutôt. Et on chacun a... ses aptitudes, chacun son pouvoir faire. C'est aussi. Ça. Et en fait, on a tous ce pouvoir de faire. Le pouvoir de faire les choses. Et juste en fait, il faut laisser venir ce pouvoir. Et ensuite, c'est comme tout. Ça se cultive, ça s'entretient. C'est un peu comme une pratique sportive. On ne naît pas entrepreneur. On le devient, on apprend à l'être, on fait des erreurs. Et surtout, franchement, rate pour devenir, en fait. Chaque échec n'est pas un échec et une réussite, parce qu'en fait, ça nous permet de nous positionner. Et d'avancer. Mais c'est vrai que c'est dur, parce qu'on vit aussi dans une société où le succès... est omniprésent, et il y a un peu la course. Alors après, avec les réseaux sociaux, ça a pris une autre forme. C'est la course aux abonnés, c'est la course aux contrats, nos métiers, voilà, nous sont créatifs. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une espèce de pression qu'on se met et qu'on nous met, où t'as aussi l'impression que ça va être sans retour, quoi. Enfin, je sais pas si c'est des choses que vous avez aussi un peu ressenties à certains moments. Bah ça, en fait, ça c'est un peu... ça s'est un peu calmé quand on est parti au Japon, en fait. Ça a été une vraie révélation pour nous, parce qu'on s'est rendu compte que chaque élément avait sa place et chaque individu. En fait, c'est terrible. On a une pression de dingue. Si tu montes un compte Instagram, il faut absolument genre que t'aies au minimum 50 000 abonnés, sinon t'existes pas. Si tu montes ton business, la fille de Birchbox ou My Little Paris, mon petit bikini, enfin c'est des success stories féminines où on t'impose en fait de réussir avant 30 ans, à être rentable. Et en fait, par exemple, nous, on est pas du tout, mais alors pas du tout business. Voilà, c'est pas notre truc. Et on a mis du temps à s'en rendre compte. Et du coup à chercher la personne qui va peut-être un jour nous aider à développer cette partie-là qui est plus mercantile et qui n'est pas du tout notre domaine. Et au départ, c'était un peu de le dire. C'était un peu se dire, on est en situation d'échec. On peut pas dire ce genre de choses. On peut pas dire qu'en fait, genre les devis, les machins, c'est pas notre truc. Parce que ça veut dire que t'assumes pas. Et en fait, oui. Mais c'est pas grave. Parce qu'on a trouvé un autre moyen d'avancer. On a trouvé, en fait, ce point de je sais pas, de patinage dans l'entre-deux de notre bulle à nous, qui nous permet quand même d'avancer d'un point de vue business, mais aussi sans perdre nos valeurs. Et ça, c'est par exemple quand tu travailles avec des marques en freelance, on connaît tous cette problématique de se dire j'y vais pas. Bah j'y vais parce que financièrement, il y a un moment donné, il faut pouvoir rester indépendant, il faut pouvoir faire des choix, mais en même temps j'ai pas trop envie d'y aller. Alors voilà, on essaye, on tente, des fois on revient, on s'engage, et puis une fois que l'expérience est passée, on se dit ok, ces choix-là, on les fera peut-être pas de la même manière. Le dictat, oui, mais c'est aussi l'expérience qui te permet de construire. Donc il faut pas hésiter à tenter plein de choses et ensuite en retirer son propre enseignement en disant ok, maintenant je sais où j'ai envie d'aller, et peut-être que j'ai pas répondu à toutes les questions, mais au moins j'arrive à me structurer sur la base. Allons-y, on verra où se trouve la suite, quoi. Quand l'angoisse de la page blanche vous coupe la faim, quelles sont les adresses, lectures, films, sites web ou autres comptes Instagram, justement, qui nourrissent vos idées et vous redonnent l'appétit ? L'appétit vient en mangeant. C'est déjà une première, chose. Du coup, en fait, pour se nourrir, pour s'inspirer, pour justement partir de cette page blanche ou de la peur qui peut nous paralyser des fois à entreprendre des projets. C'est vrai qu'avec Alice, on a tendance à regarder autour de nous ce qui se passe, ce qui se fait, les dynamiques qui sont mises en place. Et on a la chance d'avoir dans notre des cercle restreint des pépites de femmes à l'origine d'un tas d'initiatives et un tas de projets qui en fait, bah voilà, peut-être qu'elles le savent pas, mais les meufs, on vous fait une déclaration d'amour là. On vous le dit. C'est parti, c'est maintenant. Ouais. On a par exemple, quand on a besoin d'inspiration, qu'on a besoin d'air, de prendre l'air, on a notre copine Maud qui est chercheur en matière et on se retrouve à quatre pattes en train de regarder des cristaux de glace et ça, c'est pour se faire du bien. À l'âme, et on a aussi notre copine Anaïs Volpé qui est pleine de ténacité et qui est partie de rien et qui aujourd'hui est super super forte et arrive à faire des films par ses propres outils. Et on a aussi Elsa bah, du blog Elsa Muse que beaucoup connaissent. Pour nous, en fait, Elsa, on l'admirait déjà sur les réseaux sociaux pour ce qu'elle est, en fait, et ce qu'elle partage, et ce qu'elle arrive à transmettre. Et ça, c'était déjà hyper balèze, arriver à partager et à communiquer son univers à d'autres. Et en fait, en la rencontrant, on s'est dit, mais voilà, en fait, quand tu nous as posé la question, quel genre d'humaine sommes-nous, mais quelle humaine est Elsa, en fait? Elle est juste incroyable. Voilà, c'est quelqu'un d'une douceur infinie dans son rapport aux autres, avec une force très profonde. Enfin, voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que elle nous transmet. Et quand des fois on se dit, c'est dur, on va pas y arriver, ou alors ce milieu est pas forcément fait pour nous. Par exemple, quand on rencontre des clients en tant qu'indépendante et tout, et on se dit, mais si, c'est possible. Et le fait d'avoir ces exemples super proches nous disent, attends, Anaïs Volpé, là, qui a mis 4 ans pour faire son film et qui a fini par être promue à Los Angeles, au festival, dans les meilleurs courts-métrages, enfin, longs-métrages. Elle a fait tout un concept, en fait, incroyable. D'ailleurs, son projet s'appelle Ace, donc on vous le mettra certainement en lien. Oui, on fait confiance à Anne-Charlotte pour ça. Mais voilà, il faut voir, en fait, ce que le parti pris de cette nana qui, à un moment donné, s'est dit, ok, je lâche rien. Et même quand nous, on s'est soufflé de son projet en se disant, ah ouais, 2 ans après, elle parle encore d'Ace. 3 ans après, elle parle encore d'Ace. Mais elle a raison. Et elle a rien lâché. Et aujourd'hui, elle écrit son prochain long métrage et elle a trouvé un producteur. Et son histoire ne sera que plus extraordinaire. Angèle, dont Alice parlait tout à l'heure, qui est une boule d'énergie, qui a décidé de se dire, ok, moi, mon truc, c'est la food, c'est le fait de faire du bien aux autres, je vais monter ma cuisine dans un jardin avec ma copine Caro, elles ont installé, enfin voilà, elle s'est donné les moyens de réussir, et après on vient toutes de milieux différents, mais peu importe. Je pense à Camille, que du coup t'as interviewé aussi, Helmut. Camille, plein de fois on s'est croisés et on se disait, oh là là là là, mais quel enfer. Alors, en ce moment c'est terrible. Et elle disait, mais moi aussi c'est terrible. Elle dit, mais attends, c'est terrible pour nous deux. Bon bah, si c'est terrible pour nous deux, ça veut dire que c'est terrible aussi pour d'autres personnes, donc ça veut dire qu'on peut surmonter cette étape là Et, donc en fait, et on a aussi par exemple Lisa Gachet de Make My Lemonade qui nous a aussi ouvert la voie à toutes en nous disant que mais c'est possible, et quand on la voit à chaque fois, elle est toujours hyper sympa, et en fait on se rend compte que voilà, c'est ça, en fait c'est la générosité des gens qui te nourrit l'énergie qui fait que oui, ça et te puis, donne envie de te lancer, en fait. Bah c'est ça. Et oui, c'est un combat, franchement, oui, c'est dur. Mais voilà, il y a ces exemples-là qui sont en fait un peu pour nous des porte-drapeaux qui s'agitent au loin quand on est au fin fond du tunnel en nous disant « Come on, les girls, c'est par là, c'est par là que ça se passe, c'est possible !» C'est presque une sororité où on échange le bon, le mauvais, mais on se donne l'énergie nécessaire pour avancer. Il y a cette dimension-là. Donc des fois, on ne connaît pas les gens, des fois, on les connaît. Et voilà, et le fait d'échanger. Après, on a plein de... Aujourd'hui, on est happé par l'univers visuel. On a plein d'autres sources d'inspiration, comme des créatifs, avec un compte Instagram. Les Imoms. Les Américaines, les Imoms, qui sont juste hilarante. Donc pour le coup là c'est food et humour, c'est cadeau, contre le patriarcat, on vous le sert sur un plateau, allez les voir, bon appétit, vous allez adorer. Et commandez sur leur site internet leur production visuelle, enfin c'est génial. Et pareil, elles, on se dit bah voilà, elles ont ce truc, cette flamme qui s'anime visuellement, et c'est un peu comme Toilet Paper Magazine. Voilà, c'est bon, là c'est deux mecs, mais voilà, en fait on va puiser un peu notre inspiration, elle vient de partout, tout le temps, tous les jours. Il y a de la poésie partout en fait, et c'est ça qui nous nourrit. Et en fait, il faut rester en alerte. Des fois, c'est aussi une discussion dans un café. Ça peut être... ça nous évoque, du coup, par des ponts de cerveau improbables. Et on se dit, ah, mais attends, cette nana qui parlait des interventions. Par exemple, nous, on suit pas mal Alice Pfeiffer. Alors, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Mais la rédactrice en chef de Antidote Magazine, qui a un positionnement... qui est assez cool, enfin voilà, qui défend plein de choses, et puis même sans forcément défendre, qui se fait un peu porte-parole d'une génération, et un peu badass tout ça, donc ça voilà, ça fait du bien aussi. Et puis après bah je sais pas, Chef Table c'est génial sur Netflix, c'est hyper inspirant. Tu passes d'une nana qui fait son pain dans le fin fond de Los Angeles, c'est ça. Et après c'est un mec qui est en Russie et qui traite un buffle, et c'est complètement fou parce que tu passes du tout au tout, et voilà, c'est inspirant pour plein de domaines, la food de toute façon, carrément, sans parler Chef Table, faut regarder, c'est vraiment cool. Chef Table, ouais, c'est en fait au-delà de la food qu'on adore, pour laquelle on vit. Il y a plein de parcours, en fait. T'as le mec qui est devenu super promu, un chef indien, alors qu'il partait de rien. Il livrait des pizzas à vélo. Enfin, il s'est ramassé 100 fois, il s'est relevé 100 fois. Et aujourd'hui, il est hyper... C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense beaucoup à lui. Souvent. Ouais. Quand on dit il faut chuter pour mieux se relever, je pense que lui, son parcours, et tout le monde devrait voir son parcours. D'ailleurs, même les gens qui détestent la bouffe, parce qu'il y en a, et on les respecte, mais on vous trouve chelou, mais on vous respecte. mais franchement, c'est vraiment un parcours super fort. Et après, dans l'aspect... purement visuel, évidemment il y a Pinterest qu'aujourd'hui tous les créatifs connaissent et parcourent, mais en même temps il faut aussi se nourrir des expos, des choses par exemple peut-être qu'on aime ou qu'on aime moins. Il faut continuer par contre à cultiver son regard critique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de plaisir parce que pour nous la bouffe c'est associé au plaisir, mais il faut aussi continuer à cultiver son palais et son cerveau à ce qu'on aime moins. Et ça peut-être qu'on le dit pas, peut-être pas assez, mais il faut continuer à aller chercher peut-être des épices, je sais pas, un truc hyper tangible. Alice n'aime pas le fromage, mais elle a décidé qu'elle allait quand même éduquer son palais au fromage. Du coup elle tente à chaque fois, et du coup j'essaye de tenter et de lui faire goûter à chaque fois, et c'est dur, c'est dur. Et en fait c'est aussi se confronter pour s'éduquer, s'élever, aller vers autre chose. Et par exemple il y a des univers créatifs qui vont peut-être moins nous parler, mais vers lesquels il faut garder un œil ouvert. C'est ça aussi qui apporte, qui enrichit. Voilà, donc il faut continuer à sortir de chez soi. il faut aller dans des librairies, il faut ne pas être d'accord, il faut s'ouvrir aux autres, échanger. Oui, c'est vrai, voilà. C'est de s'autoriser à avoir une petite discussion avec les gens qu'on n'aurait pas eu habituellement. Pas d'a priori. Et en fait, se dire que, que toute opinion ou démarche a certainement une valeur, et que c'est plus intéressant de comprendre pourquoi que de se fermer, en fait. Et par exemple, il y a une revue qui, à mon sens, fait ça très bien, c'est 21. C'est une revue qui... revue ou magazine, je sais jamais, mais en tout cas, ce sont des longs reportages sur des faits de société qui vont chercher en profondeur. et qui sont souvent illustrées voilà, par des... C'est le magazine que tu prends en format... C'est ça, format, tu tournes. C'est ça, exactement. Et voilà, c'est, ça enrichit et ça permet de, d'avoir d'autres perspectives, d'aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres points de vue, à essayer d'avoir cette compréhension. Les films aussi, c'est fort pour ça. Ouais, carrément. Wes Anderson, Dolan, c'est une poésie infinie. On va pas se lancer sur le sujet, parce que... mais ouais, la beauté des décors. Et Miranda Jolly pour toi. Ouais, c'est ça en fait, c'est un peu, alors attention, méga guillemets, mais c'est un peu ce qu'on cherche à faire à notre niveau, c'est un peu notre démarche. C'est-à-dire qu'on a un univers visuel, mais dans lequel on essaye toujours d'avoir un fond. Un discours. Un discours, rien n'est gratuit. Voilà, c'est, on a monté un shop qui est pop mais qui est engagé, c'est de la poésie tous les jours, tout le temps, mais pour apporter du power et pour se dire ok, keep going quoi. On y va. Bouffons. C'est clair. Mangeons tous ensemble. C'est ça. Sur votre blog justement, on peut trouver plusieurs city guides classés haute teneur en yummy yummy. Moi, j'aimerais savoir où vos voyages gustatifs vous ont-ils mené ? Et est-ce qu'un jour, un plat, une découverte culinaire, une dégustation vous a ouvert les portes, des portes créatives ? Alors nous, en fait, on aime bien se mettre des goals, c'est comme un peu une quête de trésor. À chaque fois qu'on voyage, en fait, on se fait un parcours culinaire. Donc ça nous permet de découvrir plein de lieux et je me rappelle notamment d'une fois on avait une adresse d'okonomiyaki au Japon et on s'est retrouvé dans un lieu où finalement c'est pas le plat qu'on a trouvé mais c'est une personne. En fait, il y avait une serveuse qui se trouvait là et elle a débarqué, elle était carrément canon, elle parlait trois langues, hyper belle dans son être. Et en fait, quand on a commencé à parler avec elle, du coup on lui a dit mais alors qu'est-ce que tu fais? Elle dit bah je suis serveuse. Mais alors nous, avec notre regard parisien, on se disait mais tu fais forcément quelque chose à côté, alors qu'est-ce que tu fais? Elle dit non, je suis serveuse et je suis là. Et c'est vraiment le Japon pour nous, ça nous a appris ça, c'est-à-dire que chaque chose a sa place. Et ça a été un vrai coup de fouet en fait, une vraie remise en question. Après on a beaucoup échangé en fait avec Alice sur cette rencontre. Parce qu'en fait, on était venu chercher au Japon un dépaysement, une innovation, une expérience, quelque chose du futur. On venait pour faire de la recherche, mais vraiment, en fait, on cherchait des matières, de nouvelles matières, etc., à exploiter peut-être dans des set design ou peut-être pour le shop. Enfin, voilà, on venait s'alimenter. Et en fait, on a fait face à une société soit complètement bloquée dans les années 90, soit ultra conservatrice. Et au départ, ça nous a complètement déstabilisés. Et donc, on se pointe dans ce resto d'okonomiyaki avec cette nana qui parle trois langues, qui nous accueille avec une douceur. Voilà, pour les gens qui sont déjà allés au Japon, ils sauront reconnaître cette patte. Et du coup, on ne pouvait pas s'empêcher de lui dire mais qu'est-ce que tu fais réellement? Tu peux pas... Comme si, en fait, le fait d'être serveuse n'était pas déjà un accomplissement de soi. Comme si le fait de faire bien, de bien recevoir les gens, de s'accomplir, c'était pas déjà bien. Et en fait, ça nous a mis face à nous, notre presque intolérance, à nos limites, au fait de se dire qu'ici, on est toujours dans la démonstration. Justement, on va en mettre plein partout. Alors qu'en fait, juste simplement, des fois, faire les bonnes choses au bon moment, ça a déjà une valeur. Et ça, on peut dire que c'était un vrai voyage finalement initiatique, comme il y en a pour qui voilà, c'est leur Inde à eux. Bah nous, ça a été notre Japon à ouais, nous en fait. Très très fort. Et est-ce que dans la pratique, vous avez eu des changements que vous avez opérés dans votre travail, je sais pas, créativement parlant ou personnellement, carrément beaucoup plus sereine, beaucoup plus assumer vraiment ce que tu fais et être beaucoup plus libre. Apaisée en fait un peu. Exactement, okay. Ouais, plus sereine. Que ce soit sur votre blog, votre compte Instagram ou via votre e-concept store Girls Pop Shop. Vos créations sans testostérone ajoutée nous mettent l'eau à la bouche et transportent les lectrices et clientes qui le souhaitent dans un univers régressif et appétissant où la force féminine est à porter et à consommer sans modération. Alors moi, la question qui me vient, c'est pourquoi s'être lancé dans un concept 100% féminin, gourmand et made in France ? J'aimerais savoir vos motivations, les envies ou déclics qui vous ont amené à vous lancer dans cette direction et à vous et à, en fait, à ajouter votre petit grain de sel. Je dirais que c'est les rencontres. Voilà, le mot de ce shop, si on devait lui faire une baseline, ce serait rencontre, sauf que tout le monde nous prendrait pour mythique, donc c'est confusing. Donc il a fallu qu'on trouve autre chose, mais le cœur. On rencontrait plein de talents autour de nous qui n'avaient pas forcément de bons moyens de s'exprimer, parce qu'à part Etsy, en fait, il n'y avait pas vraiment de shop. De plateforme de vente. Donc déjà, c'est parti de là. Et après, on était convaincus que voilà, c'est pas parce que tu consommes local, c'est pas parce que tu consommes bien, que ça doit être chiant, en fait. Mmh. Donc c'est pour ça, on a apporté une touche pop, une touche... badass à du made in France. C'est en fait c'est plein d'ingrédients. Donc les rencontres, le fait que bah nous on se reconnaissait pas forcément dans le côté je suis éthique mais du coup sans vitalité, sans humour, enfin voilà, je prends genre tous les trucs au sérieux. Je mets des sarouels et... Voilà. On se reconnaissait pas dans cette démarche et en fait le côté féminin, je pense que ça fait pas mal partie de notre ADN. En fait, chacune différemment, on s'est un peu battu pour notre identité. Et quand on est... Et puis, on a un entourage, en fait, qui est fortement féminin. Pas forcément un choix, on adore les hommes. venez à nous. Ceci n'est pas un message entre les hommes, je répète. C'est ça, on vous aime, on vous trouve géniaux. Mais en fait, oui, on était beaucoup entourés de femmes, de filles. Et il y a un peu ce qu'on s'était dit avant, c'est qu'on... Peut-être qu'on ne fait pas tout à fait du business de la même manière. Et on n'a pas forcément la même démarche. Et du coup, le fait de se dire, ok, nous aujourd'hui, on a la possibilité de monter une plateforme qu'on a d'ailleurs développée avec un programmateur homme. Hein, voilà. Donc voilà. Donc, du coup, il y avait cette dimension-là et de se dire aussi, c'est-à-dire qu'en fait, le shop, il est né effectivement il y a peu, mais l'idée a quand même germé il y a quand même 4 ans maintenant. Ah ouais. Donc de se dire, bah alors on savait pas sous quelle forme, on savait pas comment s'exprimer. Alice, elle disait, bah il faudrait absolument qu'on ait une vraie boutique, un endroit pour montrer. Et puis moi, j'étais là, ah hyper flippant. Enfin bon, bref. Voilà, on vous passe les débats, mais on savait pas forcément comment s'orienter. Et petit à petit, en fait, l'idée du concept store en ligne a pris son architecture, son format. C'est un peu dessiné. Et du coup, oui, de dire, bah, en fait, comment ça se passe, les gars ? On parle, par exemple, du slip français. Voilà. Mais il y a tout un tas de créatrices qui déchire et pour lequel on a déjà une connivence visuelle. Et on a rencontré du coup Nini, qui est une créatrice de mode incroyable. C'est Nana qui est à Lille, qui se bat pour faire fabriquer ses fringues à Roubaix, dans des ateliers à Roubaix, qui source ses tissus, qui dessine tout et qui se bat pour que sa marque survive, mais vraiment au sens littéral, parce que financièrement, c'est dur. La production Made in France, c'est chaud. Il faut commencer. Et en fait, on s'est dit, mais on ne peut pas ne pas promouvoir ces initiatives-là, de girls-là qui se battent tous les jours. Donc, y a une Nini qui a été vraiment un point ultra déclencheur pour nous. Après, il y avait des talents comme Anaïs Profi, qui est paper artiste et qui a un univers juste hyper drôle, incroyable, et avec laquelle on s'est dit, mais ok, vas-y, faisons des toppers, mais des toppers en 3D, que les gens sachent dans quoi ils investissent. Ils investissent clairement dans une nana qui va découper à la main et coller chaque lettre, élément de paillettes, enfin, voilà. Et là, encore une fois, c'est un peu du militantisme, parce que voilà, on nous parle de chômage, etc., on nous tape un peu sur la tête depuis toujours, mais au final, nous, bah voilà, on décide de sauver un peu la manufacture française et voilà, de prendre le contre-pied, quoi. Et ça, c'était un vrai enjeu, en fait. Et après, nous, c'est ce qu'on explique. Nous, vraiment, le shop, on l'a pensé par rapport à la dynamique des créatrices. Et après, on a développé, du coup, c'est Alice qui a designé les gamme de produits qu'on a développé, donc des pins et des mugs. Et pareil, là, les mugs, on s'est battu pour les faire imprimer. Bah, on les fait imprimer à Clichy. Voilà, les pins, c'est un monsieur qui est dans le centre de la France. Voilà, on se dit, il se passe plein de choses autour de nous. Quand on cherche, on trouve. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément la voie économique la plus évidente non plus. Si c'était pour la thune, on ferait pas ça. Voilà, ça clairement. Mais ça, je pense que plein d'artisans, plein de gens le disent. Tu fais pas ça pour l'argent, mais on le fait quand même. Et on fait des vrais choix et on essaye de s'y tenir. Donc voilà, cette démarche pour nous, elle était ultra, ultra importante. Et puis en plus, moi je sais que vous avez découvert au BHV, vous aviez eu un corner. Est-ce que du coup vous aviez pu avoir à chaud les retours des clientes? Est-ce que c'était bien compris? Est-ce que vous avez eu des... Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ça? Justement, il y avait de tout. Il y en avait qui criaient au scandale. Ah, mais parce qu'on avait un portrait de femme justement complètement badass sur un gâteau et c'était complètement mal perçu. Mais justement, ce qui choque fait parler de toi et du coup on était là pour leur expliquer. Mais non, c'est du second degré. Au contraire. En fait, on essayait de faire passer un discours qui est franchement pas évident, parce que même là à dire, c'est pas forcément simple. C'est-à-dire de dire qu'on donne le pouvoir aux femmes en leur laissant leur libre choix de s'afficher comme elles le veulent, où elles le veulent, dans les fringues qu'elles le veulent, en mini-short ou en super longue manche, avec les mantras qu'elles souhaitent, tout en expliquant qu'on fait ça. Mais attention, c'est aussi des créatrices qui sont françaises et qui font produire en France. Voilà, ça a été notre premier contact. Et en fait, ça a été super bien perçu par... On est un peu les Nicki Minaj du Made in France, en fait. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, ça a été parfois très très bien reçu. Et parfois, on est tombé, franchement, on se le dit... sur des emmerdeurs finis, qui nous disaient « Non mais attendez, vos bijoux, que vous présentez en plexi... » C'est créé par Julie Lily, des créateurs français, mais la machine, elle vient de Chine. Ah oui, la machine qui découpe, donc je suis là... Sauf Frenchie. Oui, bon. Je vois tout à fait le genre de discours. On essaye de pointer du doigt ce qui va pas, alors l'idée, c'est plutôt de valoriser ce qui va bien. Donc, en fait, on essaye de dire « Oui, alors on est un shop, on essaye de faire au maximum du 100% Made in France. » Et c'était assez drôle aussi, enfin nous on a été très touchés par les profils en fait qui sont venus à notre rencontre. D'abord ça a été pour nous une première expérience de retail. Contrairement vraiment les gens qui nous suivaient aussi qui sont plutôt 25, trentenaires et c'est plutôt du coup chouette. Et des gens qui nous ressemblaient et en fait c'était un peu la vraie bonne surprise. En fait c'est des gens qui sont tous plus fous que nous en fait. Non mais c'était dingue. Carrément. Les gens sont fous et c'est génial. Ouais. Et c'était des hommes. Complètement décomplexés, quoi. Et c'était des hommes trop cool, quoi. Des mecs qui venaient en venant chercher leurs chocoboobs, là, designés par Caro Bourgeois, en nous disant... Leur mug bitchy. Leur mug bitchy, en disant, mais c'est tellement moi. Je suis là, mais ouais, les mecs. Et des nanas ultra créatives et pour lesquelles on a de l'admiration et qui sont devenues, du coup... Ou qui ont de l'humour, tout simplement, même des gens qui ont de l'humour. Qui ont de l'humour et qui deviennent, en fait, eux aussi, notre source d'inspiration, en fait. Et c'est un peu la boucle qui se vertueuse en fait, qu'on partage. Et ça, c'était fort, quoi. J'aimerais finir cet entretien par quelque chose d'un peu différent d'habitude, car j'aimerais qu'on fasse des rapid fire questions, autrement dit des questions rafales. Jingle. Alors, si vous deviez choisir un seul plat de comfort food chacune, ce serait lequel? Ok, le chou farci de ma mère. Pas sexy, mais... mais ok. C'est... Ok, les arepas. Les arepas, qu'est-ce que c'est? C'est super bon, c'est argentin et c'est des galettes de maïs avec dedans de la viande et du cheese. C'est délicieux. Ah, ok. Vous êtes plutôt team sucré, salé ou épicé? épice, pas épicé, pas genre ultra qui t'arrache la gueule, mais épice, goût de dingue. Rapport à la cuillère de harissa. Rapport à la cuillère de harissa, rapport à l'excitation ultime en fait de l'association des goûts. Okay. Genre l'oxalis que tu mets sur un avocat, ça me rend dingue. Le vin et le chocolat, en fait, je crois que c'est plus les mélanges. Les mix, carrément pour les mix. Toi, c'est mix, du coup, ouais. Mais est-ce que si tu devais choisir une team en particulier, ce serait plus sucré, salé ou épicé? Carrément épicé. Carrément Spice Girl. Spice Girl. Une adresse secrète à Paris, en France ou ailleurs, à nous partager. Urfadourou. I love you. En fait, on adore les boui-boui parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas parce que c'est trendy que c'est bon, quoi. Il y a plein de restos qui sont hyper branchés sur le papier, mais qu'on trouve pas. Ah bon, quoi. Donc on adore les boui-boui, vive les boui-boui. Donc on a l'Urfadourum. On a plein de petites adresses. Et l'Urfadourum, c'est un de nos lieux comfort food qu'on adore, qui nous rend addicts. Parfois on se réveille et on en a envie. C'est turc en fait. Et c'est des galettes où dedans il y a de la viande. Le mec a carrément son sèche-cheveux pour te faire la fumée sur ta brochette d'agneau. Et c'est une tuerie. Est-ce qu'on peut retrouver ça sur votre Mapster ou pas? On peut le retrouver carrément sur notre Mapster et je crois même qu'en plus il le fait en mode végétarien parce qu'il y a un fromage à l'intérieur qui n'est pas de la feta et qu'on a dû observer. Bon, on a mis du temps, ok, mais parce qu'on n'a pas posé la question, mais qu'en fait c'est un fromage qui est dans une espèce de conserve. Enfin, c'est trop bon, c'est délicieux. Et en fait, attention, c'est méga addictif, c'est-à-dire que c'est le genre de food que t'as goûté une fois et après, quand tu t'en rappelles, le goût est sur ta langue. Ouais. Oh là là, ça c'est incroyable. Votre plus grosse déception gustative? Ah bah là, c'est sans hésiter en cœur. Big Mama Group, en fait. Ça a été... Ça a été vraiment... Alors... On continue d'y aller. Ouais. C'est vrai, on est pleine d'ambivalence. Ok. Mais en fait, Big Mama, il y avait une promesse très très forte sur l'environnement. Enfin, et puis qu'on se le dise, pour les Parisiens, tu fais une heure et demie de queue, t'as intérêt à balancer derrière au niveau du goût. Et en fait, nous, ça nous excite tellement les goûts, les raffinements. Je crois qu'en fait, entre la promesse, plus le temps d'attente, plus finalement ce que tu te retrouves à manger dans ton assiette, les boules. C'est un peu les boules. Donc voilà, okay. On le dit pas trop fort. Non, mais bien sûr. On n'aime pas après... trop balance, mais oui. Après, il y a des trucs. Moi, je comprends effectivement ce côté. Alors moi, la seule fois où j'étais au Big Mama, j'ai pas attendu. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une espèce de les étoiles se sont alignées, le destin a voulu. Tu vois, genre j'ai séparé la file d'attente et je suis rentrée. Et c'est vrai que j'en avais énormément entendu parler. Et je vous rejoins sur le fait que j'ai trouvé ça bon. Mais j'ai pas trouvé ça renversant, quoi. Ouais. Par contre, j'aime bien le côté. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les Big Mama où ils parlent tous italien. Oui. Je me sens un peu transportée. Ouais, c'est sympa. C'est ça. Je voyage. C'est un peu l'entertainment des restos, tu vois. C'est un peu ce côté-là, quoi. Mais Oui. Après, c'est pas dans notre ADN genre de balancer, mais c'est vrai que ça fait partie, voilà, des trucs entre la promesse et finalement ce qu'on reçoit. Ouais. Petit décalage. Ouais, parce que la frite dans le Nutella, c'est aussi décevant, enfin voilà. Pourtant, c'est une sacrée promesse. Bah oui, évidemment. L'ingrédient que vous utilisez à toutes les sauces, tout le temps, dans tous les plats. Ah, alors moi, c'est un gros problème. Je cherche absolument à faire des accords avec la pâte de piment coréenne. Alors ça ne marche pas surtout. Genre le fromage, ça prend pas. Possiblement, genre certains légumes, ça prend pas trop non plus. Mais j'ai découvert ça au Japon. Évidemment, piment coréen au Japon, ça tombe sous le sens. Non, mais surtout, en fait, je savais pas du tout manger épicé. La harissa, tout ça, enfin, je peux pas. Il y a un truc sur mon palais qui fait que c'est pas possible. Et en fait, le piment coréen, c'est une pâte de piment là dans un tube. C'est super goûteux. Ça fait un truc à ton plat. Est-ce que ça ressemble un peu genre à du wasabi? Pas du tout. C'est une pâte rouge en fait. Je sais pas. C'est un espèce de shiracha doux, mais beaucoup plus parfumé. De très loin, quoi. Il faut goûter, à tester vraiment. Et moi, c'est tout ce qui est fumé, donc le sel fumé, genre j'en mets partout. C'est hyper bon. Et sinon, j'ai découvert récemment les épices Rollinger. C'est une boutique qui se trouve rue Sainte-Anne et en fait, vous trouvez là-bas l'épice saté et c'est juste le meilleur truc pour épicer. C'est délicieux. Et pour finir, est-ce que vous avez un message Positive Spirits à faire passer à nos auditrices et nos auditeurs ? Baiser dans de la pâte à crêpes. Ça marche aussi, baiser dans de la pâte à crêpes. Mais surtout, faites-le, en fait. Quoi qu'il arrive, faites-le. Si vous avez décidé, je sais pas moi, d'enfiler des perles toute la journée aujourd'hui, faites-le. Et faites-le en vous faisant plaisir. Et ça veut pas dire que ce sera toujours kiffez. Facile, mais kiffez votre vie. Allons-y gaiement. Merci beaucoup, les filles. J'espère que cette émission vous aura ouvert l'appétit. Merci à Anaïs et Alice pour leurs paroles exquises et justes. Merci d'avoir fait parler Nice to Hear You avec moi pour donner envie aux personnes qui nous écoutent d'aller engloutir leur part du gâteau. Retrouvez toutes les informations concernant cet entretien ainsi que des photos de notre échange sur le blog à l'adresse unefidera.com. Retrouvez toutes les aventures du Girls Pop sur Instagram @girlspop, GIRLZPOP _. Et sur leur blog à l'adresse girlspop.com. Pour consommer de la girls vibe made in France, rendez-vous sur leur e-shop à l'adresse girlspopshop.fr. Si vous aimez cette émission, dites-le nous avec des étoiles sur iTunes, 5 étant un chiffre good karma, et partagez l'info dans l'oreille d'un ou d'une amie. Bisous gluants et à très vite.